Stéphanie. Quoi, Mathieu? C'est le moment de retourner en arrière et entendre... C'est le moment du... Un instant classique! Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 3 mars 2014. Dida. D-A-E-I-D-A. Je sais même pas si ça se prononce Daida. Dida. Dida. Alléluia. Alléluia. Alléluia. On devrait se partir une chorale, Mathieu. Ah oui. Dans le chorale, il y a oral. Oui. Puis il y a corps. Tu peux faire des diamants. Tu as chauffé de la tequila à 800 degrés Celsius. Évidemment, il faut un four industriel. Quand même. C'est pas à la maison, tu vas mettre ça à broye. Puis après ça, tu donnes ton diamant à ta femme, puis qu'est-ce qu'elle fait? À broye. À broye. Il y a des œufs de Pâques pour les enfants aveugles. Ils font du bruit. Ils bip, bip, bip, bip, bip, bip. Pour que les enfants puissent les trouver. Mm. Puis après ça, tu peux les casser, puis faire... Elle va être loin, OK? Ouais. Des œufs braillés. Ah non, Parce que c'est du braille. T'as trouvé un? Je l'aime vraiment beaucoup. OK, yeah. En fait, j'aimerais me l'approprier. OK, ouais, c'est bon, je vais faire une blague, tout le monde. Attention. Les œufs, ils étaient braillés. Ah oui! Jean-Philippe. Oui, Mathieu. On a amené tous les chroniqueurs d'assemblage requis. Allô! Salut! Allô! Bon matin. Et c'est une intervention parce que t'as un problème, Jean-Philippe. Dis-moi ce que t'as à me dire. Puis... En fin de semaine, j'ai fait un souper, puis j'ai servi un verre. J'avais fait, je me souviens plus, un genre de petit punch, là, rien de bien compliqué. Puis en le servant, la mousse, tu sais, des fois, ça peut faire une petite broue, mais là, c'était pas, il y avait pas de bière. C'est comme juste une petite mousse de quand tu verses de quoi trop fort, là, comme quand tu fais du pipi le matin. Puis ça a fait un bonhomme sourire dans le verre. Tu vois, je voulais que tu le fasses devant tout le monde pour que vraiment on puisse te faire comprendre c'est quoi ton problème. C'est que ton problème, c'est que tu fais des histoires pas de punch. Ah! C'est une intervention. Putain, Mathieu, c'est une histoire de punch. The punch! Ouais. Je pense que ça... De toutes les... Ouais. Les astres sont alignés, Mathieu, aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe. Raconte-nous ton jeu un peu, mais censure-toi un peu. Là. Tu prends une phrase ou un slogan qui se dit en deux parties, puis tu rajoutes entre les draps au milieu de la première, et puis tu rajoutes après ça entre les foufounes. Donc, mettons, assemblage requis, mettons, hein, ce serait assemblage entre les draps, requis entre les foufounes. Voilà. Le groupe David et les bois, ça ferait David entre les draps, les bois entre les fesses. Entre les foufounes. Foufounes. Hey, wow, hey, wow, hey, oh, hey, oh, hey, hey, hey. Donc, ça c'est la toune d'aujourd'hui, ça m'a dit ça. Alexandra Carignan va être là à 9h pour sa chronique Le temps d'une culture, le temps entre les draps d'une culture entre les foufounes. Voilà. C'est parti. Ça fonctionne très bien jusqu'à maintenant. J'essaie de te faire quelque chose d'un peu... Lover. Lover boy. Puis là, toi, tu me sors des affaires demain. C'est des affaires vraies. Ouais. Je te dis ça. Mathieu m'a sorti son crucifix. Oh! En forme de croix. On se tente à toi. On se tente à toi. On se tente à soi. Wow! C'est en Suède, Jean-Philippe. C'est en Suède. Il faut que tu fasses attention, Mathieu, parce qu'après avoir fait ce que tu as à faire, il pourrait t'en rester un petit peu ses doigts. Moi, MILF, ça me rappelle, et là, je vais saluer quelqu'un de la famille de ma copine, qui, à la table, au brunch, a dit qu'il avait appris à la télé l'existence du mot cougar. Et là, il dit, ah, tu sais, puis là, en plus, les MILF, tout ça. Là, j'étais comme, attends un peu, là, qu'est-ce qui se passe à TVA ces temps-ci? Ben oui, ils nous apprennent, ça veut dire, c'est quoi, MILF? Come on! On est rendu où, TVA? Come on! Ouais. Mother, I'd like to fudge around with, put some fudge on her, liquor, pis tout. Est-ce que ça a fait un fret? Ben, ça a fait un fret parce que j'ai littéralement dit « Coudonc, qu'est-ce qui se passe avec TVA ces temps-ci? » J'ai vraiment dit ça à table. C'est mon genre, j'ai vraiment dit ça. Ouais. Mercredi prochain, ça va être le temps de vous sucrer le bec. Parce qu'on va faire... on est dans le temps des sucres, là, que ça commence. Il va y avoir de la tire, des érables sur le campus. Génial. Hey, c'est le temps des sucres, là. On va pouvoir licher Sugar Sammy, toi. Sur le campus, je te jure. Ça va être débile. Oui, il va être là. C'est lui qui sert le tir. Avec un bâton. Oui. Faire des blagues de graines, ça va être écœurant. Non, mais je ne me sens pas. Je sais pas. Je sais des choses aujourd'hui. Je suis wild. Parler de même, hein. Quand tu sais pas de choses, tu stagnes, hein. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Donc nous, on préfère essayer et échouer à chaque fois. Cette nuit, ma copine m'a dit, en me levant ce matin, tu sais, j'avais l'air fatigué. Genre, elle me dit, ben peut-être que si t'étais pas réveillé à 4h du matin pour flatter le chat. Ça arrête. Ouais? Je m'en rends pas compte. Je me suis réveillé cette nuit pour flatter mon chat. Serais-tu somnambule, par hasard? Je pense que je flatte en bulle. Ou petit câlin en bulle de chat. Je me lève pas à 4h du matin pour coller ma blonde. Ben, je me lève à 4h du matin pour coller mon chat. Tu sais, les petits bonbons, là? Oui, c'est ça. C'est comme surette, les pine tarts. Je pense que c'est ça, les petits bonbons, là. Ben, il me semble que c'est même ça s'appelle. Je pense que oui. En tout cas, ça finit par tarte. Ça finit par tarte. Ouais, c'est bon. Voilà, start me up. Tu vas avec la chanson de start me up. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, c'est Stéphanie Paradis. Pas radis, mais t'es radis pour la prochaine chronique. Radis, radigo. D'habitude, t'es pas radis parce que ben, Stéphanie Paradis, ça le dit dans le nom. Là. Mais aujourd'hui, je trouve que t'es particulièrement radieuse. Radiant. Radiateur. Je sais plus. Qu'est-ce qui commence par radis? Radipeux. Au-dessus radipeux. Voilà, on a trouvé la bonne réponse. Radipeux. Les secrets du gouvernement. Ben, c'est ça. Bon. On en a pas. Obama, il y en a une. Obama en a une, bon. J'aime ça l'utiliser avec Michel. Chaque matin, son disque dur. Ah. Le disque dur, voyons. Le disque dur. Le dick, c'est dur! De Barack Obama! C'est derrière le rideau de votre clé vidéo. Le dick dur de Barack! Il connaît rien des voitures. Non, mais pour vrai, on s'en va dans le stationnement, puis il s'en va une voiture. Je suis comme, merde, c'est pas mon char. Un, elle est grise au lieu d'être genre Cherco, là. Cherco. Elle était hatchback, j'ai pas un hatchback pantoute. Mais tu sais, il y avait comme aucun point en commun. Je suis comme, merde, ça fait comme 40 fois que t'embarques dans mon char. Je suis peut-être un petit peu genre, tu sais, raciste des voitures dans le sens. Daltonien des voitures. C'est ça, mais je vois pas. Je suis pas capable de différencier deux voitures. Les formes, les couleurs, non. On a appris pourquoi t'aimais les pectines tantôt. Oui, pectines. En ronde. C'est des pectoraux de filles. Oui. Ouais, parce qu'il y a des tissus au bout. J'ai mal des pectines, justement. Tu t'es entraîné, hein? Ouais. Depuis tout à l'heure, elle se tente les pectines, d'ailleurs. Elle fait des massages de un peu de filles qui puent des petites bras, là. Avez-vous déjà vu la Pierre Duchesne, à ne pas confondre avec Pierre Duchesne, le ministre de l'Enseignement supérieur. L'erreur est facile à faire. L'erreur est facile à faire. Il y en a un qui est sympathique, puis l'autre, c'est qui, ça? Hein? Pierre Duchesne, on manquait. Oui. Oh! Oh! Hey! J'en ai aussi. Tu rajoutes une plus-value au PQ, donc c'est ça la prime à l'urne. C'est du PQ 3 épaisseurs, ça. Plus-value. Mettons que t'envoies promener quelqu'un, OK? Mettons. Tu fais des fingers. Ouais. Tu fais un finger, OK? Ouais. Puis après ça, t'es vraiment fâché, fait que tu fais un deuxième finger. Là, je suis comme, mon Dieu, comment je pourrais te faire plus de fingers? Ben, toutes les doigts, man, c'est toutes des fingers dans le fond. One finger, two finger, two finger. This finger, nine finger. Huit finger. Vous pouvez continuer à tourner dans votre tête. Et un finger vert. Ben, ceux qui pensent ça, là, ben, qui mangent, là. Ah, du chocolat! Ah oh, non, on a oublié! C'est ben, vrai. C'est la même couleur. Ben, non, ça dépend ce que tu manges. C'est ça. Je sais pas, quelque chose politique, blablabla, lien politique. Logo Grassi, ça, un. C'était les meilleurs moments d'assemblage de hockey pour la semaine du 3 mars 2014. Petite correction à faire par rapport à Tequila. Tu peux pas faire les diamants avec le Tequila. Les Mythbusters ont essayé. Ils ont tout essayé à Mythbusters. Fait corriger notre erreur. Ouais. C'est dit. Mais sinon, le reste, Colin, une semaine classique en effet. Oui. Ça sonnait vieux jeu, je trouve, cette semaine-là. Pas sûr que j'aimais ça. C'était à quelle époque, ça? Genre l'époque du jadis? Ouais, c'était ça. C'était genre jadis. En 1900, jadis. Ça. 1900 jadis. Ouais. Mais sinon, cool. Lundi au jeudi, mettons 6h30 à 9h30. Okay. En direct à partir de 7h30. Avant ça, pas tant récent. C'est des émissions de 1900 jadis qu'on vous joue entre 6h30 et 7h30. Ouais. C'est ça. T'es là, Steph Paradis. T'es là, pourtant t'allais tequila. Tequila. Tequila. C'est Philippe Paradis, Juan Felipe Charbonneau et moi-même Matteo Plante. J'ai pas de nom espagnol. Attends un peu. Stéphanie avec un tilde. Stéphanie Paradiso. Paradiso. Stéphanie Paradiso. C'est donc ben dol. Ben là, gâte un nom, Stéphanie, c'est un peu difficile à faire avec ça. Je vais m'en trouver un nom espagnol, latino, je vous reviens avec ça.